C'est formidable, hein? Mais savez-vous maintenant ce que les Français nous prennent pour des imbéciles? Moi, ce qui est un petit peu, ça va, puis après, c'est un groupe, hein? Mais je le sais bien, moi, parce que je suis allé à Calais pendant le week-end. C'est parce que ma femme avait gagné des skis nautiques. Et puis, par chez nous, c'est tout plat, il n'y a pas de la campante, hein? Alors, on était parti à Calais, comme ça, on s'était dit, on pourra toujours jouer avec les planches, hein? Passé l'année dernière, nous avions été à Venise, mais ça n'avait pas eu de chance, on est arrivé, c'était tout inondé, hein? Oh ben, c'est pas que c'est moche chez nous, hein, c'est très joli, la Belgique. Vous devriez visiter Anvers, hein, rien que pour l'endroit, ça vaut le coup, déjà. Parce que ça fait tout le temps critiquer, moi, n'est-ce pas, je m'arrête dans une station-service pour désaltérer l'automobile, et puis également ma femme et moi, n'est-ce pas? Alors je mets un frein dans une machine de Coca-Cola, il tombe une bouteille. Je mets un autre frein, il tombe une autre bouteille. Je mets un autre frein, les gens disaient, il va tout prendre. Ben dites donc, tant que je gagne, je joue, hein? Ben c'est normal, non? Alors... Alors... C'est exagéré. Mais tenez, chez le marchand de chaussures, c'est que je me fais tout le temps critiquer parce que je prends les plus grandes. Bah dites donc, si le 45, c'est le même prix que le 41, je vais pas prendre les plus petites, hein? Tenez, tenez. Bon, c'est qu'on a été embêtés. Avec l'automobile, c'est parce que j'avais claqué la portière et puis que j'avais laissé les clés à l'intérieur. D'autant qu'il pleuvait puis qu'on avait laissé les vitres ouvertes, c'est pour vous dire. Bon, on a eu que des ennuis avec l'automobile. Après, c'était les clignoteurs qui ne marchaient plus. Une fois, il marchait, une fois, il ne marchait plus, une fois, il marchait. Même à un moment, on nous avait volé la voiture. Heureusement, j'ai eu le temps de prendre le numéro, hein. Mais c'est les Français ne nous aiment pas, mais c'est parce que, n'est-ce pas, elles se moquent tout le temps de nous. Mais ça, vous savez pourquoi elles aiment les histoires belges? C'est parce que c'est pas dur à comprendre, hein? Mais c'est parce qu'elles sont jalouses. C'est parce que nous sommes plus forts qu'eux dans le sport. Et encore, là, nous avons arrêté le waterpolo, on avait noyé tous les chevaux. Alors, les Français ne sont pas forts dans le sport. Savez-vous pourquoi ils ont choisi le coq comme emblème? Ben, c'est parce que c'est le seul oiseau qui arrive à chanter malgré les pieds dans la merde, hein? Ah oui. Oui, oh ben nous savons aussi avoir de l'esprit, hein? Je n'en ai pas personnellement, ma femme non plus. Moi, j'ai un camarade qui en a eu pour le mois de juillet, on s'est amusé. Hein? Il disait par exemple, le comble pour un chauve, c'est de pêcher une raie. C'est parce que celui qui a un poisson sur la tête, il a l'air aussi idiot que ça, hein? Vous êtes comme moi, j'ai eu du mal aussi à comprendre, hein? Il disait tout le temps, le chauve, c'est adéquat. C'est comme Sheila. C'est parce que Sheila, l'adéquat. Elle est très amusante aussi, vous voyez. Bah, c'est un garçon qui était pas malin, il s'est pendu avec un élastique. On l'a retrouvé écrasé au plafond, hein? Même je sais que quand il était petit, il avait échoué un examen d'urine, c'est pour vous dire. C'est pour vous dire. C'est lui qui disait tout le temps, j'ai appris qu'il fallait cueillir les cerises avec la queue. Je suis embêté, j'avais déjà du mal avec la main, hein? Ah, oh, mais c'est des gens qui avaient eu bien du malheur. Mais sa femme a été ultra-violée par des rayons X, hein? Et puis d'ailleurs, elle a porté plainte contre X. Alors nous, on était en voiture, n'est-ce pas? Puis on roulait vers Calais. Et puis tout d'un coup, qu'est-ce qu'on voit des cris en travers de la route? Pas de Calais. Moi, j'ai dit, ils exagèrent. Ils leur ont dit, moi, je ne serais pas venu, hein, moi.